Today we will continue with our message, which is the difference is our soul. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, dass der Unterschied unsere Seele ist. On va continuer avec notre message que la différence est notre âme. Amen. Amen. You know, our thoughts, our decision, unsere Gedanken. They always help us to know. We have a dead soul or a living soul. Und Entscheidungen werden uns immer helfen zu erkennen, ob wir eine tote oder eine lebendige Seele haben. Nos décisions vont toujours nous aider à comprendre ou bien à reconnaître si on a une âme vivante ou bien une âme morte. Amen. Amen. Amen. Our thought and decision we have always help us to know the level of our soul. Unsere Gedanken, unsere Entscheidungen werden das Level unserer Seele zeigen. Nos décisions et nos pensées vont nous aider à comprendre, à savoir quel niveau, quel niveau on a. The Bible said, choose life. Die Bibel sagt, wähle das Leben. La Bible nous dit de choisir la vie. A living soul, we always choose life. Eine lebendige Seele wird immer das Leben wählen. Une âme vivante va toujours choisir la vie. Choose life means choose Christ. Christus, das Leben zu wählen, wird Christus zu wählen. Quand tu choisis la vie, ça signifie que tu choisis toujours le Christ. It means a living soul, we always choose Christ. Eine lebendige Seele wird immer Jesus Christus wählen. Ça signifie qu'une âme vivante va toujours choisir Jésus-Christ. But a dead soul, we always choose the flesh. Aber eine tote Seele wird immer das Fleisch wählen. Mais une âme morte va toujours choisir la chair. A dead soul is always so fast to go to the flesh in everything. Eine tote Seele ist immer so schnell zum zum Toten zu gehen in allem. Une âme morte et si va toujours se décider pour partir dans le passé ou bien dans la chair, être dans la chair. Amen. Amen. A living soul is a soul full of Christ. Eine lebendige Seele ist voll von Christus Jesus. Une âme vivante, c'est une âme qui est vraiment remplie du Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. A dead soul is a soul that is absent of Christ. Eine tote Seele ist eine Seele, die die von Christus abwesend ist. Une âme morte, c'est une âme qui a toujours l'absence du Christ. Amen. Amen. A living soul is not a soul that do the writing. What this world called the writing? Eine lebendige Seele tut nicht das, was die Welt für richtig hält. Une âme qui est morte ne fait pas ce que le ce qui est juste pour pour ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And because of what some of us are going through, the Lord gave us this message. Und wegen dem, was einige von uns durchmachen, hat der Herr uns diese Botschaft geschenkt. Et à cause de vos situations, l'Éternel m'a donné un message pour vous. I wanted to start where I stop on Sunday. Ich wollte eigentlich weitermachen mit der Botschaft von Sonntag. Normalement, je voulais continuer là où on avait arrêté le dimanche. But he said this message first. Aber er hat gesagt, diese Botschaft hat Vorrang. Mais il m'a dit d'abord ce message. It is still about our soul. Es geht immer noch über unsere Seele. Mais il s'agit toujours de notre âme. Amen. Mm-hmm. Jesus did not have a renewed soul. Jesus hatte keine unerneuerte Seele. Jésus-Christ n'avait pas une âme qui n'était pas renouvelée. His soul was perfect. Seine Seele war vollkommen. Son âme était parfaite. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's soul was so perfect. Die Seele von Christus war so vollkommen. L'âme du Christ était si parfaite. That's why he said, you must also be perfect like me. Matthew 5. Ihr müsst genauso vollkommen sein wie ich. Let's go to Matthew 5. Et c'est pour cela qu'il nous a dit à Matthieu 5 qu'on doit aussi être parfait comme lui. On va le lire ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said we must be perfect like him. Wir müssen vollkommen sein wie er. Matthäus 5. Matthieu 5, il nous dit qu'on doit être parfait comme lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Matthieu 5, 48. You know, in this world, they will say no one is perfect. In dieser Welt würde man sagen, dass niemand vollkommen ist. Dans ce monde, on dit toujours, on écoute toujours dire, les gens dire, il y a personne qui est parfait. But here, Jesus is saying we must be perfect. Hier sagt Jesus, wir müssen vollkommen sein. Mais on va lire quand Jésus-Christ nous dit, nous recommande d'être parfait. Perfect like he. So wie er. Parfait comme notre Père, comme lui. Verset 48. It's a be ye therefore perfect. You see that? You can see the natural what they will say, no one is perfect. It's true, because without Christ you are not perfect. Und es ist auch wahr, dass die natürliche Welt sagt, dass niemand vollkommen ist, weil ohne Christus ist auch niemand vollkommen. On lit ici, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Et ce monde dit qu'on peut, on est, il y a personne qui peut être parfait. Mais oui, ils ont raison, parce que sans Jésus-Christ, tu ne peux jamais être parfait. Jesus will not tell us to be perfect. If we can never be perfect. Jesus würde uns nicht sagen, vollkommen zu sein, wenn wir es niemals sein können. Jésus-Christ ne va jamais nous recommander à être parfait si on n'est pas capable de l'être. Praise the Lord. Hallelujah. A renewed soul is a perfect soul. Amen. Eine erneuerte Seele ist eine perfekte Seele. Une âme renouvelée, c'est une âme totalement parfaite. It means a soul that is full of Christ. Eine Seele, die voll ist von Christus. Ça signifie qu'il s'agit d'une âme qui est vraiment pleine du Christ, remplie du Christ. Praise the Lord. Amen. It says, be ye therefore perfect, even as your Father. Remember in John 14. In Johannes 14. He said, if you see me, you see the Father. Sagt Jesus, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Ici, nous, il nous dit que être, d'être parfait comme notre Père. Et il a dit aussi à Jean 14, si vous me voyez, vous avez vu aussi le Père. You can see that the Father is talking about himself. Et den Vater, von dem er spricht, ist er selbst. Et là, tu vois que quand il parle de son Père, il parle aussi de lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Be ye therefore be perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. Oh, thank you, Jesus. Amen. Amen. Here he is talking about our soul. Hier redet über unsere Seelen. Ici, il parle de notre âme. If you are saved, your spirit is already perfect. Wenn du wiedergeboren bist, ist dein Geist schon vollkommen. Si tu es né de nouveau, ton âme est déjà parfait. But your soul. Mais deine Seele. Mais ton âme. Mais ton esprit est déjà parfait. Si tu nais de nouveau, ton esprit est parfait, mais ton âme. Amen. Amen. The soul needs what you have in your spirit. Deine Seele. So also to be perfect. Braucht das, was in deinem Geist ist, um auch vollkommen zu sein. Mais ton âme a besoin de ce que tu as dans ton esprit pour être aussi parfait comme ton esprit. Here Jesus is saying, you allow your soul to be perfect. Hier sagt Jesus, du lässt zu, dass deine Seele vollkommen ist. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous dit que c'est nous sommes les personnes qui vont autoriser notre âme à être parfaite. Is somebody getting something? C'est nous à décider. Amen. You are in control of your soul. Du bist en contrôle von deiner Seele. Donc tu es toujours au contrôle de ton âme. Amen. You will never force any soul to be clean. Der Herr zwingt keine Seele rein zu sein. Parce que l'Éternel ne force aucune âme à être pure. He needs your cooperation. Der Herr braucht deine Kooperation. Il a vraiment besoin de ta coopération, l'Éternel. He needs you to choose him always. Er braucht dich, der sich immer wieder für ihn entscheidet. L'Éternel a besoin de toi que tu puisses te décider chaque jour à lui. No matter how difficult it is. Egal wie schwierig es ist, wähle Christus. Peu importe comment c'est difficile, tu dois apprendre à choisir Jésus-Christ. Is somebody getting something? No matter how hard it is. Egal wie schwer es ist. How people are going to hate you. Die Leute dich hassen werden. Peu importe comment c'est dur, peu importe comment les gens vont te détester, toi choisis l'Éternel. No matter the job you are doing. Egal welche Arbeit du tust. Allow him to be first. Lass zu, dass du Christus wählst. Lass zu, dass er an erster Stelle kommt. Peu importe quel travail que tu es en train de faire, toi tu dois choisir Jésus-Christ. Autorise l'Éternel à être la première personne pour toi. You know, Christmas and New Year, they are the corner. Weihnachten und Neujahr sind stehen um die Ecke. Vous savez, bientôt, c'est Noël et Nouvel An. A living soul, we always celebrate it with Christ's family. Eine lebendige Seele wird es mit der lebendigen Familie, mit Christus feiern. Une âme vivante va toujours célébrer ce jour avec la famille du Christ. Praise the Lord. Amen. A living soul will never be comfortable with dead people around him. Eine lebendige Seele würde niemals zufrieden sein mit toten Menschen um sich herum. Une âme vivante va jamais être satisfait de célébrer cette fête avec des gens morts autour de lui. Please choose Christ. Wähle bitte Christus. Choisissez l'Éternel. No matter how difficult it is. Egal wie schwer es ist. Peu importe comment c'est difficile. Amen. You know, you might have a lot of things to do. Du hast vielleicht viele Sachen zu tun. Peut-être tu as beaucoup de choses à faire. Keep them aside. stell sie beiseite. Tu dois vraiment les mettre à côté. Let Christ be first. Lass zu, dass Christus an allererster Stelle kommt. Autorise l'Éternel à être la première. And don't forsake the assembly of believers. Und versäume nicht die Treffen der Gläubigen. Et il ne faut jamais rater les jours où les enfants de Dieu se retrouvent. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Donc l'assemblée des croyants. Allow Christ to always be first. Lass zu, dass Christus immer an allererster Stelle steht. Autorise toujours au Christ à être la première personne. And not yourself or your job or whatever you are doing. A lot of work you have to do. They are number one in your life. Und nicht du selbst, deine Arbeit und alles andere, was immer an erster Stelle sein soll. Ou n'importe quoi. Rien doit être la première dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow Jesus to do those jobs for you. Lass zu, dass Jesus dieses Werk für dich vollbringt. Autorise au Christ à faire ce travail pour toi. But you choose him first. Aber du wähl ihn zuerst. Mais pour qu'il puisse travailler pour toi, toi tu dois le choisir. Praise the Lord. Hallelujah. You know our spirit is already perfect. Unser Geist ist schon vollkommen, wenn wir errettet sind. Notre esprit est déjà parfait si on est né de nouveau. You know, we just read that Jesus' soul was perfect. Wir haben gelesen, dass die Seele von Jesus Christus vollkommen war. On venait de lire que l'âme de Jésus-Christ était déjà parfaite et toujours a toujours été parfaite. The Bible also said that his soul was troubled. Die Bibel sagt aber auch, dass seine Seele bekümmert war. Mais la Bible nous dit aussi que son âme était aussi inquiétée. A perfect soul was troubled. He never allowed his father to depart from his heart. Eine perfekte Seele war zwar besorgt, aber dennoch hat er nicht zugelassen, dass dass der Vater von seinem Herzen weicht. C'est une, donc on peut voir que une âme parfaite était vraiment inquiétée, mais il n'a jamais autorisé ou bien n'a jamais voulu que son père puisse être loin de lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. John 12. Johannes 12. Verse 27. Jean 12, verset 27. Here Jesus is the one speaking. Qui spricht Jesus? Si c'est Jésus-Christ qui parle. He said, now is my soul troubled. You see that? Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. The perfect soul was troubled. Eine perfekte Seele war erschüttert. Il dit ici à Jean 12, 27, maintenant mon âme est troublée. Et Amen. Ici on voit qu'un âme parfait est troublée. Praise the Lord. Amen. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, glorify your name. You can see a troubled soul still full of his father. Il dit eine erschütterte Seele, die aber noch voll vom Vater ist. Il dit, malgré il est troublé, il dit que, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Malgré il était troublé, mais il n'a jamais voulu que son père s'éloigne de lui. Donc ses pensées étaient totalement remplies de son père. He was so full of his father. Il était full von seinem Vater. Il était rempli de son père. Amen. John 20:21, he said, as his father sent him, so also he sent us, you and me. Johannes 20:21 sagte, so wie sein Vater ihn gesandt hat, hat er uns gesandt. Jean 20:21, il nous dit que tout comme il a dit que tout comme son père lui a envoyé, c'est comme ça que lui aussi il nous envoie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As he was full of his father, so also we should be full of him. So wie er voll war von seinem Vater, sollen wir auch voll sein von ihm. Ça signifie que tout comme lui il était plein ou bien rempli de son père, c'est comme ça que nous aussi on doit être rempli de lui. Praise the Lord. Our soul can be troubled, but don't allow you to take you away from Christ. Unsere Seele kann erschüttert sein, aber lass nicht zu, dass dich von Christus wegnimmt. Ça signifie que notre âme peut être troublée, mais on doit jamais permettre que ce troublement puisse nous éloigner de notre Père. Instead, let him push you further to him. Lass zu, dass es dich noch mehr zu ihm bringt. Mais on doit vouloir que ce troublement puisse encore nous pousser près de lui, près de notre Père. Praise the Lord. Hallelujah. Look at from verse 27 again. 27. Ça doit nous, nous apporter vers notre... Verset 27. He said, now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. Father, glorify your name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 29. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Others said, an angel spoke to him. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sake. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you getting it, please? Mm-hmm. Amen. Amen. He was so full of his father. Er war so voll von seinem Vater. Donc si on continue de lire Jean 12, 27 à 29, à 30, on va voir qu'il était vraiment rempli de son père. Never allow Christ to depart from your heart, from your mouth. Tu ne dois jamais laisser que l'Éternel, que Jésus-Christ soit écarté de nos pensées et de notre corps, notre cœur. Let me quickly say this. Though Jesus' soul was troubled, but it was not evil. Auch wenn die Seele von Jesus erschüttert war, war sie nicht bösartig. On peut voir que même si l'âme du Christ était troublée, mais lui n'était pas, c'était pas mauvais. Amen. Amen. Just like he was angry and he never sinned. Genauso wie er wütend war und nicht gesündigt hat. Tout comme il était vraiment furieux, il était vraiment fâché, mais il n'a jamais péché. Praise the Lord. Hallelujah. Your soul can be troubled. Deine Seele kann erschüttert sein. Ton âme peut vraiment être troublée. But let it be occupied with Christ. Aber lass zu, dass sie umgeben ist von Christus. Mais ça doit toujours être occupé du Christ. Allow it to push you further to Christ. Lass zu, dass sich noch näher an Christus rückt. Ça doit te pousser vers Christ. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, Christ's soul was perfect. Die Seele von Christus war vollkommen. L'âme du Christ était vraiment parfait. And that's why he was able to say, let the dead bury their dead. Und deswegen war er auch in der Lage zu sagen, lass die Toten die Toten begraben. Et c'est pour cela qu'il était capable de dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Remember Matthew 12, when his mother was looking for him. Erinnert euch an Matthäus 12, als seine Mutter nach ihm gesucht hat. Rappelez-vous à Matthieu 12, où sa mère a commencé à le chercher. Are you getting it? Jesus was seeing his mother dead. Jesus hat seine Mutter als tot geachtet. Mais Jésus-Christ a considéré sa mort, sa mère comme une morte. And he himself was dead to her. Und er selbst war tot für sie. Et lui-même, il s'est aussi considéré lui-même mort pour elle. Praise the Lord. Hallelujah. If you really believe something is dead, you will never go back to it. Wenn du wirklich glaubst, dass etwas tot ist, wirst du nicht mehr dorthin zurückkehren. Si toi tu crois réellement que quelque chose est mort, tu vas pas retourner chez la chose ou bien chez la personne qui est morte, qui est déjà enterrée. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe that things are dead, wenn du glaubst, dass Dinge tot sind, gehst du nicht mehr zurück. For any help. Für Hilfe. Si tu crois vraiment que quelque chose est mort, tu ne retournes jamais là-bas pour aider. Praise the Lord. Hallelujah. What can the dead give you? Denn was kann die Toten dir geben? Parce qu'est-ce que les morts peuvent te donner? Are you getting it? Mm-hmm. They will even give you death. Sie werden dir den Tod geben. But that's what that is who they are. Denn das ist, was sie sind und das ist, was sie geben, was sie haben. Les morts vont te donner la mort parce que ça, ce sont ceux qu'ils sont et c'est ceux qui sont et ceux qu'ils vont aussi te donner. But it is a pity that we never believe they are dead. Es ist traurig, dass wir niemals glauben, dass sie wirklich tot sind. Mais c'est vraiment triste que nous on croit jamais que ces gens-là qui n'ont pas la vérité, qu'ils sont pas morts. We say it, but we never believe it. Wir sagen es, aber wir glauben es nicht. Malgré on est en train de le dire, de le prononcer, mais on ne croit jamais. If we believe it, We will never seize any opportunity to want to return to them. Wenn wir, I don't know if somebody's getting it. Dann würden wir niemals irgendeine Situation, also würden wir niemals eine Gelegenheit nutzen, um wieder zu ihnen zurückzukehren. Si on croit vraiment que ces gens-là sont des morts, on va jamais utiliser des opportunités pour retourner vers eux. If you will spend just a day with them. Auch wenn es nur um einen Tag geht, das ist schon zu viel, um mit dem Satan zu verbringen. Même s'il s'agit que d'avoir juste une journée avec ces gens-là, mais c'est quelquefois c'est trop, même une journée là c'est trop pour avoir une journée pour pouvoir passer avec quelqu'un de mort. Praise the Lord. Hallelujah. Matthäus 8. Your parents, your children, your friends, your brothers and sisters that refuse to choose the truth. They are dead. Eltern, Freunde, Familien, die sich geweigert haben, Christus zu wählen, sind they tot. Dead. Sie sind tot. Vos parents, vos amis, vos soi-disant bien-aimés qui ont refusé de choisir Jésus-Christ, ils sont morts. Matthieu 8, please. From 19 to 22. On va le lire à Matthieu 8, 19 à 22. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, here Jesus calls somebody's family dead. Hier hat hier die Familie einer bestimmten Person tot genannt. Ici c'est Jésus Christ qui nomme quelqu'un d'une personne, un membre de famille comme une personne morte. On va le lire ensemble. He told this man that your natural family they are dead. Hat diesem Mann gesagt, dass seine natürliche Familie tot ist. Il a dit à un homme que ta famille naturelle elle est morte. And this man should see them dead. Dieser Mensch soll sie als tot erachten. Et cet homme doit les considérer comme des gens morts. If not, you can never be out of them. Parce que tu niemals aus ihnen herauskommen können. Parce que si tu ne considères pas ta famille qui ne choisit pas Christ comme mort, tu seras jamais capable à sortir d'eux, à t'écarter d'eux. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. And a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And he said, and Jesus said unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath not where to lay his head. 21. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. If somebody getting something. Mm. The family, they will, you know, look at what Jesus said, verse 22. But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their dead. Mm. He called the whole family, the natural family, er hat die natürlich von mir tote Menschen genannt. Mm. Ici, on voit que à verset 19 à 20, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où j'irai. Jésus répondit, les renards ont des terniers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc il a dit à cet homme que son père est un de ses morts. Hmm. You know, Jesus said the whole of the family of this man, they were all dead. Not just one person dead. Not just your father. Nicht nur der eine. All your family. Nicht nur der Vater. All your natural family, they are dead. Let them bury their dead. Dass die ganze Familie tot ist und sie sollen ihre Toten begraben. Ici Jésus-Christ n'a pas dit que il n'a pas seulement dit que c'est le père qui est mort. Il a dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Donc il a dit que toute la famille de cet homme-là est aussi mort. Et ils doivent enterrer leurs morts. Amen. It means this man should see his natural family, the whole of the natural family dead. Das heißt, dieser Mensch soll die komplette natürliche Familie als tot erachten. Donc, ça signifie que Jésus-Christ recommande à cet homme de considérer toute sa famille comme morte. And, and this man is also dead to them. Because once you choose Christ, you are dead to them. Ist auch tot für diese Leute, weil wenn du dich für Christus entscheidest, bist du auch tot für sie. Et cet homme aussi, il est, ça signifie qu'il est aussi mort pour sa famille, parce que quand tu te décides de choisir Jésus-Christ, tu es aussi mort. Romains 6. Romains 6. Romains 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 6, Romans from 1 to 13. 1 to 13. Romans 6, 1 to 13. He said, what shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin? We are dead to people. Wir sind tot für die Leute. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le monde péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Donc, c'est, vu que ces gens-là sont des pécheurs, nous sommes aussi morts pour eux, parce que nous sommes morts pour, au péché. Praise the Lord. You are dead to anything sin. Tu es tot für die Sünde. Et nous, nous sommes morts pour toute chose qui est péché. Is somebody getting it? Mm-hmm. He said, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Verse 3. Know ye not that so many of us, as we are baptized into Christ Jesus, we are baptized into his death. Therefore, we are buried with him by baptism into death. That, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Verse 6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. That henceforth we should not serve sin. Verse 7. To serve sin, how you serve sin is you take your focus away from sin. You allow your focus to not be Christ. Wir dienen der Sünde nicht mehr, indem wir. If your focus is I don't want to sin, I don't want to sin, you are serving sin. Your focus should be I'm perfect because I'm Christ. That's how. Wenn unser Fokus darauf liegt, nicht mehr zu sündigen, dann dienen wir der Sünde. Aber wenn unser Fokus darauf liegt, dass wir vollkommen sind wegen Christus Jesus, dann dienen wir der Sünde nicht mehr, sondern der Gerechtigkeit. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comment on est esclave du péché? Quand tu te concentres au fait, tu te dis que ben, je veux plus pécher, je ne veux pas être un pécheur, là tu es toujours esclave du péché. Mais quand toi tu te dis je suis parfait parce que j'ai le Christ et c'est ça ta concentration, là tu n'es plus esclave du péché. If your focus is on the law, when dein focus auf dem Gesetz liegt, you will commit, you will live like a sinner. Dann wirst du auch wie ein Sünder leben. Si ta concentration est sur la loi, toi tu vas commettre un péché. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Without law, there is no sin. Ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Somebody gets something. Parce que chaque sans une loi, il n'y a pas du péché. Amen. You know, those of you, we a lot of us we drive. You know, once you are driving, if 30 is written here. If there is no 30 here, you can drive 40, 50, 60. But once it's 30, you are under law. There's a law that is saying, telling you it's 30. Are you getting it? Wenn es kein Gesetz gibt, keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, dann kannst du so langsam und so schnell fahren, wie du willst. Du brichst kein Gesetz, weil es kein Gesetz gibt, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber sobald es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, dann ist dein zu schnell oder zu langsam fahren ein Problem. Je vous donne un exemple pour celui qui sont en train de conduire dans des voitures. Si par exemple tu vois un panneau qui règle la vitesse et toi tu surpasses la vitesse parce qu'il y a un panneau, il y a une règle, là tu as commis tu as posé un acte qui est au contraire de ce panneau. Mais quand il n'y a pas de panneau et tu tu as une vitesse, tu peux conduire comme tu veux. Là, tu ne brises pas une loi parce que il n'y a pas de panneau. What made you a sinner? The law. Was macht dich zum Sünder, das Gesetz? Qu'est-ce qui fait de toi un pécheur? C'est la loi. You can see Genesis. There's just one law that made them to not become a sinner because they violated it. Mm-hmm. Ihr seht in 1. Mose, dass durch ein Gesetz sind sie zu Sündern geworden, weil sie das eine Gesetz missachtet haben. Tu peux même voir, même depuis Genèse, par exemple, il y avait juste un péché et eux, ils n'ont pas... une loi, il y avait seulement une loi et eux ils ont pas suivi cette loi et c'est pour cela ils ont péché. Praise the Lord. You know, before the law came, you know, if you look at Abraham married a sister. You know, Sarah was actually related to him. But after the law, when the law now came, anyone that you know married like Abraham would be stoned to death. Vor dem Gesetz konnte Abraham beispielsweise seine Schwester heiraten, aber nach dem Gesetz von Mose, jeder, der seine Schwester heiratet oder seinen Bruder heiratet, wird gesteinigt zu Tode. On peut voir aussi avec quand il y avait Abraham, il a marié sa sœur par exemple, mais quand il y a eu la loi. Et dans la loi, il avait dit que tout le monde qui va marier une de ses sœurs sera lapidé. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let's go forward. Verse 7. It says, for he that is dead is free from sin. Amen. Amen. Verse 8. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Knowing that Christ being raised from the dead died no more, death had no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, verse 11. Likewise reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Christ Jesus our Lord. Let no sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. They are dead to you. Ils sont tous pour toi. Romains 6, 7 à 14, on doit continuer à le lire. Et là, tu vas voir qu'eux, ils sont morts pour toi. Amen. Amen. They are dead to you. That's John 12. Tu dois considérer ces gens qui ne choisissent pas Jésus-Christ comme morts. Ça, c'est Jean 12. And Romans 6 says you are also dead to them. Romains 6 steht auch, wir sind tot für sie. Et Romains 6 nous fait voir que nous aussi, on est morts pour eux. Amen. Lisez ça attentivement. It is a victory for us and for them. Das ist Sieg für that sie we are dead für uns. To them and they are dead to us. Dass wir für sie tot sind und sie für uns. C'est une victoire pour nous et une victoire pour eux que oui, nous sommes morts pour eux et eux aussi, ils sont aussi morts pour nous. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, two wrongs can never make a right. Erinnert euch daran, dass wenn zwei falsch liegen, wird es niemals das Richtige ergeben. Donc, rappelez-vous que si deux personnes sont en train de faire une chose mal, ils peuvent jamais sont dans une mauvaise voie, ils peuvent jamais prendre une bonne décision. Jean 12. Praise the Lord. Amen. Amen. John 12. Jean 12. Mm-hmm. Praise the Lord. You know where we are now. From verse 24. We'll read 24 and 25. First of all. Amen. Amen. He said, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. He's telling you that you know, that you are dead to them is with you. 24. Are you getting something here? He said that you are dead to them. It's a victory. Look at it here again. Verse 24. Was wir tot für sie sind, ist ein Erfolg. John 12:24. Amen. Amen. Until you die, they can never join you. Erst wenn du stirbst, können sie einsteigen mit dir. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en la terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça signifie que si toi tu es mort pour eux, là, c'est une victoire. You know, here Jesus talking about your death. Jesus spricht über deinen Tod. Ici Jésus-Christ se parle de ta mort. Somebody getting something. Mm-hmm. Your own death. Dein eigenen Tod. You died with him. Du bist mit ihm gestorben. We read it in Romans 6. Amen. Mm-hmm. You look at it. Say, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Mm-hmm. But if it die, it bringeth forth much fruit. Mm-hmm. It means you're dead. That you are dead to death. Sorry. Praise the Lord. Hallelujah. That you are dead to them is actually victory. Dass du tot bist für sie ist eigentlich ein Erfolg. Donc tu es mort pour eux. Et quand tu es mort pour eux, c'est une victoire. C'est comme il a dit ici que ça va emmener encore plus de fruits. Et tu es mort avec eux. Tu es mort avec le Christ, comme on venait de lire à Romains 6. It is a victory and not evil. C'est un erfolg und nicht böse. Et c'est une victoire et c'est pas quelque chose de mal. Praise the Lord. Amen. Verset 25. Here talk about your life. Geht's um dein Leben. Ici il s'agit de ta vie. Amen. Your life. Dein Leben. What you call your life? Was wir unser Leben nennen. C'est que nous on appelle notre vie. Your mother might be your life. Deine Mutter ist vielleicht dein Leben. Ta mère peut être ta vie. Your father might be your life. Dein Vater ist vielleicht dein Somebody Leben. Ton père peut être ta vie. Amen. Your job might be your life. Deine Arbeit ist vielleicht dein Ton Leben. Ton travail peut être ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If your life refuses to allow you to die. Wenn dein Leben dich nicht sterben lässt. Verset 25. Ça veut aussi nous dire que mais si ta vie... Peu importe qu'est-ce qui est ta vie, si ta vie ne te permet pas à mourir, là on a un problème. Verset 25. He that loveth his life shall lose it. Are you getting it? Celui qui aime sa vie la perdra. Whatever you want to keep, you better give it to Jesus. Was immer du behalten willst, aufbewahren willst, gib's lieber Jesus. Tout ce que tu veux garder, tu dois le donner au Christ. Those you want to be saved, give them to Jesus. Die Leute, die du errettet sehen möchtest, gebe sie Jesus. And not by choosing them. Indem du Christus wählst und nicht die Menschen wählst. Tout le monde que tu peux voir qui puisse, oui, qui puisse être naître de nouveau, toi, tu dois les donner au Christ. Et Amen. Pas les choisir ou bien être avec eux dans le mal. Amen. Amen. Give them to Jesus by becoming dead to them. Übergebe es Jesus, wenn du tot bist dafür. Rends-les au Christ quand tu es, par exemple, quand tu choisis le Christ et tu les refuses. He that loveth his life shall lose it. And he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Praise the Lord. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la concevra pour la vie éternelle. Amen. Amen. Again, verse 25 talk about your life. In 25 geht es um unser Leben. Jean 12, 25, il s'agit de notre vie. Now you should not love your life. Dass wir unser Leben nicht lieben sollen. Il veut nous dire qu'on ne doit pas aimer notre vie. Because if you love it, you cannot have it. Weil wenn du es liebst, wirst du es nicht haben können. Parce que celui qui aime sa vie la perdra. Amen. And that life can be your mother. Diese Seele kann deine Mutter sein. Et cette vie-là, ça peut être même ta mère. It can be your father. kann dein Vater ça sein. Peut être ton père. It can even be your own life also. Es kann sogar dein eigenes ça Leben aussi sein. Être ta it can be your brothers or sisters that will refuse to let go. Es kann Brüder und Geschwister sein, die du nicht Brüder und Schwestern sein, die du nicht loslassen kannst. Ça peut être aussi tes frères et sœurs que tu ne veux pas laisser partir. It can be your children. Es können deine Kinder sein. Ça peut être tes enfants. That you love more than Christ Jesus. Die wir sogar mehr lieben als Christus Jesus. Ça peut être tes enfants que tu aimes plus que le Christ. Sinon tu vas, si tu aimes vraiment le Christ plus que eux, tu allais choisir le Christ et tu ne vas pas choisir oui ta famille en fait. Amen. How to have something. J'espère que vous comprenez maintenant comment posséder des histoires, comment avoir quelqu'un ou bien des choses. He says by hating them. Et il nous dit que tu vas obtenir ces choses quand tu les détestes, quand tu les aimes. Amen. He that loveth his life shall lose it. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. C'est lui qui aime sa vie la perdra. Your parents' wealth can be your life. Das, der Reichtum deiner Eltern kann dein Leben sein. La richesse de tes parents peuvent être ta vie. Your degree. Deine Ausbildung, dein Abschluss. Ou bien, oui, tes certificats. Is somebody getting something? Ta position. You know, I thank the Lord for, Paul. Ich danke dem Herrn für Paulus. Was able to say bye-bye. Er war in der Lage, sich von diesen Dingen zu verabschieden. Je remercie l'Éternel pour Paul, parce que Paul était capable de, oui, de dire au revoir à tous ses biens, à tous ses papiers. Amen. Amen. What does not make sense to the natural man? Was nicht, that was what Paul was did. Keinen Sinn macht für natürlichen Menschen. Not normal. Donc lui, il était capable de, Paul did de tout laisser. Obwohl er so viele Abschlüsse hatte. Und dann jetzt von Gefängnis zu Gefängnis wandern musste. Il avait vraiment beaucoup des réalisations, donc toutes des bonnes choses, mais il a été capable de lui rejeter tous ses biens, ces choses-là, pour choisir Jésus-Christ. Et il n'était même plus une personne qui faisait toutes ces bonnes choses-là, mais il partait de prison à prison à cause du Christ. Ça n'a pas de sens pour être naturel. You know, a penner can say, I don't have anything to lose. Ein Obdachloser kann sagen, ich habe nichts zu verlieren. Somebody that is well educated. I have everything. Are you getting it? Ein Obdachloser könnte sagen, ich habe nichts zu verlieren, deswegen entscheide ich mich einfach für Christus. Aber nicht jemand, der wirklich gebildet ist und der wirklich Dinge hat, wirklich Karriere hat, Errungenschaften hat in dieser Welt. Quelqu'un par exemple qui n'a pas d'éducation, qui vit juste dans la rue, quand tu lui dis de partir, de choisir Jésus-Christ, il peut dire que ben, je n'ai rien à perdre. Mais une personne qui est vraiment bien éduquée, qui a fait des masters, des doctorats, des je sais pas quoi, une personne comme ça, une telle personne, pour lui c'est difficile de rejeter tout ça et de partir vers le Christ, mais Paul il a fait ça. Amen. Amen. Verse 25 talked about what you value. In 25 geht's das, was du wertschätzt. Donc Jean 12, 25, il parle de ce que tu es en train de valoriser. Your job, your beauty. Deine Arbeit, deine Schönheit. Quand il dit qui aime sa vie, il parle pas seulement de la vie. Ça peut être ta femme, ton mari, ta Amen. Beauté. Amen. Your country. Dein Land, deine Nationalität. Ta nationalité, nationalité, ton pays. I'm a German. Dass ich Deutsch bin. No, some are so proud of it. Einige Leute sind so stolz darauf. Tu peux te dire, ben moi je suis allemande. Il y a beaucoup de gens qui sont Amen. Vraiment très fiers d'être allemande. USA, I'm so proud of. You know, they are so proud of evil. Oder ich bin so stolz, dass ich Amerikaner bin. Sie sind so stolz auf das Böse. Les gens peuvent dire qu'ils sont vraiment très fiers d'être des Jamaïcains. I don't even remember if I'm German. Et ils sont vraiment très fiers de ça. Und aber ich bin stolz auf Christus. Es ist mir egal, ich vergesse sogar oft, dass ich Deutsch bin. Ich erinnere mich einfach immer nur daran, dass ich Christus bin. Mais moi quelquefois j'oublie même que je suis allemande parce que je me rappelle seulement que j'ai le Christ et ça me suffit. What about your color? It can be your life. Auch deine Hautfarbe könnte dein Leben sein. Même ta peau, ça peut être ta vie. Praise the Lord. You know some people's color is their life. Einige Leute, ihre Hautfarbe, ihr Leben, sind so stolz auf ihre Herkunft, ihre Hautfarbe. Il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment très fiers de leur peau. Amen. Leur couleur de peau. They say black is beauty. It's Christ that is beauty. Schwarz ist wunderschön. Schwarz zu sein ist das Beste. Aber Christus zu sein ist das Beste. Ce sont des personnes qui disent aussi, par exemple, on connaît aussi des personnes qui disent que oui, la peau noire, elle est la meilleure peau. Elle est une très belle peau. Mais c'est Jésus-Christ qui est la vraie beauté. Amen. You know, I've heard a song said, I'm black and proud. It should be, I'm Christ and proud. Amen. Amen. Amen. That should be our music. Amen. We are Christ and we are proud. Amen. Ich habe schon viel eher gehört, wo es darum geht, dass man schwarz und stolz ist und wie Leute das feiern und das zelebrieren. Aber wir sollten darauf stolz sein, dass wir zu Christus Jesus gehören. J'avais entendu une chanson qui disait que je suis noire et je suis vraiment fière de l'être. Mais nous, les enfants de Dieu, ça doit être, nous sommes le Christ et on est fiers de l'être. Ça doit être notre chanson et pas notre peau. What about your bestie? Was ist mit deinen besten Freunden? Et kann bien your life. De tes meilleurs amis. Das könnte auch dein Leben sein. Diese Person, dieser Mensch kann dein Leben sein. Ta meilleure amie, ton meilleur ami, ça peut aussi être, oui, ta vie. Whatever that you know, that you value so much. So sehr wertschätzt. Amen. Tu sais que toi, tu valorises vraiment. The Bible says Christ is our life. Colossiens 3. Die Bibel sagt, Christus ist unser Leben. Amen. Mais Colossiens 3 nous dit que c'est Jésus-Christ qui est notre vie. Praise the Lord. Amen. Amen. Don't allow anything to replace Christ. Amen. Lass nicht zu, dass irgendetwas Christus Jesus ersetzt. Faut jamais autoriser que quelque chose remplace le Christ dans ta vie. Amen. Those things you refuse to let go. Die Dinge, die du nicht loslassen kannst. Toutes les choses que tu ne veux pas laisser. That is the slightest problem you run to them. Das ist bei der kleinsten, beim kleinsten Problem. They are number one to come and tell you. Sie sind die erste Anlaufstelle. N'importe quel problème tu as, déjà tu rentres vers ces choses-là, tu dois vraiment faire attention. Si ce n'est pas le Christ, ça va te détruire. Somebody getting something. It is either you say yes to Christ alone. Entweder sagst du ja zu Christus allein. Or yes to them. Oder ja zu diesen Menschen. Tu dois te décider ou tu dis oui au Christ ou oui à ces choses-là, ces gens-là. Amen. Both cannot be your life. Beides kann nicht dein Leben sein. Du musst dich entscheiden. Mais tous les deux, ça peut pas être ta vie. Tu dois te décider pour une vie ou la vie du Christ ou la vie de ce monde. Not to Christ is automatic yes to them. Nein zu Christus. Yes to Satan. Ja zu ihnen. Quand tu dis non au Christ, c'est automatiquement oui pour les choses de ce monde. Verse 26. Yeah. 26. On va continuer à lire verset 26. Johannes 12. Jean 12 verset 26. Here Jesus is saying it is me alone. Jesus sagt hier, es geht hier nur mich. Jésus-Christ dit ici, il s'agit que de moi. It must be about me. It's of me alone. Es geht nur um mich. If any man serve me, let him follow me. Because it's all about me. And where I am, there shall also my servant be. If a man serve me, he will my father honor. Praise the Lord. Amen. Without Christ, the Lord will dishonor you. Ohne Christus wird der Herr dich entehren. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc si tu choisis le Christ, là il va aussi t'honorer. He said it is him alone. Er sagt, es ist er allein. Donc il s'agit que de lui. And not him and them. Und nicht sie und er. Il a dit que seulement lui. And the natural and the flesh. Are you getting it? Il dit qu'il s'agit que de lui-même, pas de lui et autre personne, ou de lui et ta famille. Non, de lui-même. Allow them to be dead to you, just like Jesus said. Lass zu, dass sie tot sind für dich, genauso wie Jesus gesagt hat. Tu dois choisir Jésus-Christ comme lui, il a dit à ce jeune homme de laisser que sa famille soit mort aussi pour lui. Praise the Lord. Amen. Jesus said they are dead to you. Jesus sagt, sie sind tot für dich. Just believe it. Deswegen glaube das. Jésus-Christ a dit que eux ils sont morts pour toi, donc toi crois-le. You know, the first church never see the Egypt. They never see Egypt dead to them. Die erste Gemeinde hat Ägypten niemals als tot erachtet für sie. Vous voyez, la première église n'a jamais vu Égypte mort pour eux. Ils ont toujours pensé à Égypte. They never see Egypt dead. Für sie war Ägypten niemals tot. Ils ont jamais considéré Égypte comme mort. Is somebody getting it? And it was a big problem for them. Das war ein großes Problem für sie. Et c'était un grand problème pour eux. That was why every time, at every opportunity, as they, you know, Anytime they just see they have problem, they always say it's better that we are there. Deswegen bei jedem Problem, bei jeder Sache hieß es direkt, es wäre besser, wenn wir in Ägypten gestorben wären oder geblieben wären. Et vu qu'ils ont jamais considéré Égypte comme mort, chaque fois, chaque problème qu'ils avaient dans le désert, ils disaient, oh, c'était mieux que si on était resté à Égypte. Donc, ils étaient toujours en train de vouloir repartir là-bas, même dans leurs pensées. Ils étaient en train de dire, oh, oui, on préférerait mourir à Égypte au lieu de mourir ici dans le désert. Donc, ils disaient des histoires absurdes. You know, anytime problem is coming, they have just can see that it's coming. They go to Egypt. They see Egypt as the solution. And never the only true God. Sie gehen immer gedanklich nach Ägypten und sehen Ägypten als die Lösung, aber nicht Christus Jesus. N'importe quel problème ils avaient, ils étaient en train de partir en Égypte, ils ne rentraient jamais dans leur pensée, ils partaient en Égypte et pensaient à Égypte parce qu'ils disaient que ah oui, on a un problème si on était seulement rentré en Égypte. Au lieu de voir, donc ils considéraient Égypte comme leur solution et n'ont jamais vu le vrai bon Dieu comme leur solution. Praise the Lord. Hallelujah. You know, once they need help, immediately they remember Egypt. Wenn sie Hilfe brauchen, erinnern sie sich direkt an Ägypten. Donc dès qu'ils avaient eu besoin de l'aide, ils ont directement, ils se sont directement rappelés à Égypte. Est-ce qu'ils sont différents que nous aujourd'hui? Praise the Lord. Amen. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui. They are a new soul. Ihre unerneuerte Seele. Leur âme qui n'était pas renouvelée. They never believed the flesh was dead. Die nicht glaubt, dass das Fleisch tot ist. To the flesh. Geht immer wieder zurück zum Fleisch. Qui n'a jamais considéré leur que Égypte était mort, les avait toujours emmenés. Donc leur âme n'a jamais voulu considérer la chair aussi comme mort. Ils se sont toujours rentrés dans leur pensée toujours à Égypte. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If there's any problem, the number one thing is the Holy Spirit. Wenn es ein Problem gibt, ist die erste Anlaufstelle der Heilige Geist. Quand on a un problème, la première chose qu'on doit faire, c'est de partir vers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allow him to direct you. Lass zu, dass er dich leitet. Autorise au Saint-Esprit de te diriger. Don't look for a comfortable place. Such nicht nach einem bequemen Ort. Ne cherche pas une place qui est confortable. Is somebody getting it? Look for the Holy Spirit. Suche nach dem Heiligen Geist. Cherche le Saint-Esprit, consulte le Saint-Esprit. Amen. I hope you are getting it. Exodus 14, verse 1 and 2. 2. Mose 14, 1 und 2. First of all, read 1 and 2, then we go to 9. 14, 1 et 2. Because of time. Amen. Et puis 9. Just want us to finish all this. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. It says, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Bazifon, before it shall be encamped by the sea. For Pharaoh, okay, let's read verse 3 too. Also, for Pharaoh will say to the children of Israel, they are entangled in this land. The wilderness hath shut them in. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to from verse 9 now. Amen. Verse 9. Donc, on a lu Exode 14, 1 à 3. Remember, verse 9. The children of Israel, they were now before the sea. Erinnert euch daran, die Kinder Israels standen jetzt vor dem Meer. Donc, dans cette histoire, les enfants d'Israël étaient devant la mer. You know, to cross the sea, you need a canoe or ship or whatever. Um dieses Meer zu überqueren, brauchst du ein Schiff. Pour traverser la mer, tu as besoin d'un bateau. Amen. Yeah. But there was none. Aber es gab kein Schiff. Mais il n'y avait pas de bateau. Amen. He's always there for you. Er ist immer da für dich. L'Éternel est toujours là pour toi. Praise the Lord. He sees you always. Er sieht dich immer. Il te voit toujours. Il sait toujours où tu es. Er weiß, wo du stehst. Praise the Lord. Hallelujah. Sometimes we think that he doesn't know anything about us. He knows you more than you know yourself. Er nicht über uns weiß, aber er kennt dich besser als du selbst. Quelquefois, on pense qu'il ne sait pas où nous sommes et qu'est-ce qui est notre situation, mais lui, il te connaît plus que toi-même. Verse 9, please. Verset 9. But the Egyptians pursue after them all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army and overtook them encamping by the sea beside Pihahiroth before Bar-Zephon. Verse 10. Verset 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes. Are you getting something? Mm-hmm. And behold, the Egyptians marched after them. What you see? Das, was du siehst, the days are, you know, the days are coming. The days are drawing near. Die Tage kommen immer näher. And you know, maybe there are problems that need to be solved. There is a fear of what is going to happen. Angst vor der Zeit, Angst vor Konsequenzen. Exode 14, verset 10 à 11, on voit que Pharaon s'approchait et les enfants d'Israël étaient vraiment vers les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Donc tu vois, écrièrent à l'Éternel. Et tu vois, ça, ça peut être les problèmes que tu veux surmonter, que tu te dis, tu te fais des pensées, tu dis que bon, tu as un problème, là, j'étais en train de partir, tu n'as plus d'argent, patati patata. Praise the Lord. You know, beware of what you see. Nimm dich in Acht vor den Dingen, die du siehst. Fais attention à ce que tu vois. Amen. Beware of things you see that you allow to control you. Die, von denen du dich kontrollieren lässt. Fais attention à ce que tu es en train de voir parce que ça peut te contrôler. Remember also Genesis. Amen. You know, Adam said, because I saw myself naked. Because the Lord said, who told you? How do you know that? And because you are not supposed to know that. You are not supposed to know me. In 1. Mose, als Gott Adam gefragt hat, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Why you see your age? Why you see the time? Rappelez-vous par exemple la Genèse quand Adam a dit à Dieu, oui, j'ai vu que je suis nu. Et l'Éternel était vraiment choqué. Il lui a dit, mais pourquoi tu vois que tu es nu? Parce que comme j'étais parce que Dieu voulait toujours que Adam puisse voir l'Éternel, toujours considérer l'Éternel et ne jamais voir le soi-même. We will see the money we have. Und Gott hat Adam gefragt, wer ihm gesagt hat, dass er nackt ist. Und Adam hat gesagt, weil er auf sich selbst geschaut hat, hatte er Angst. Weil er auf diese Nacktheit erachtet hat, hat er auf einmal Angst gehabt. Und wir müssen uns fragen, worauf schauen wir, auf unser Alter, auf die Zeit. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment se demander, de quoi est-ce qu'on voit. On voit notre âge, le temps ou bien notre argent. What are you seeing? Are you seeing that nothing is working? Siehst du, dass nichts in deinem Leben passiert? You know, it's as if you are in the standstill. Als ob du im Stillstand bist. Qu'est-ce que tu vois? Parce que qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois que tu n'es pas en train d'évoluer ou bien que tu es dans une situation où qui ne change pas? Oui. You can be seeing what people are saying. Du kannst das sehen, was Leute sagen. Tu peux même voir ce que les gens sont en train de dire. We are not different from them here. Ah, du bist da nicht anders als die Israeliten hier, die in Panik sind. Et là, tu n'es pas différent comme les enfants d'Israël ici qui étaient vraiment effrayés, qui étaient vraiment en panique. Amen. We go to internet and check a lot of things. Wir gehen ins Internet und schauen uns viele Sachen an. See what is happening there. What is that? Somebody, how many people are busy? Is that your business? Are you like them? Are you one of them? You are so different. Du bist anders als sie, deswegen sollst du. You are not different. You are different. You are not the same. Deswegen and you will never be the same. Mit ihnen allow yourself to not be equally with them. Amen. Donc ne sois pas comme les enfants d'Israël. Quelquefois on part à l'internet et on est en train de checker, oui, comment avoir encore de plus d'argent, comment faire ceci, vous commencez à calculer, ou bien vous commencez à vous dire, oui, cette maladie, il y a combien de personnes ont été guéries. Mais toi, tu n'es pas comme les enfants d'Israël ici, tu n'es pas comme les gens de ce monde. Toi, tu es différent. Pourquoi tu veux te comparer avec les gens de ce monde? Tu es différent, tu as le Christ en toi. Praise the Lord. Amen. And when Pharaoh drew nigh, verse 10 again, the children of Israel lifted up their eyes. And behold, the Egyptians marched after them. And they were so afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 11. Verse 11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, has thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore art thou dead thus with us, to tarry us forth out of Egypt? Praise the Lord. Hallelujah. Egypt was never dead to them. Egypt war niemals tot für sie. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait et nous faisant sortir en nous faisant sortir de Égypte. Donc tu vois qu'ils ont commencé à agresser Moïse, à menacer Moïse, à se plaindre. Donc Égypte n'était pas sortie de leur pensée. Ils voulaient même rentrer à Égypte. Are you getting it? Mm. Allow the flesh to be dead. Lass zu, dass das Fleisch tot und begraben bleibt. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à permettre que la chair puisse être morte. Never allow it to rise up again. Lass nicht zu, dass es wieder aufersteht. Il ne faut pas laisser que notre chair puisse revivre. Verse 12. 12. It says, is not the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians. For it has been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Amen. Verset 12, encore une fois, il dit que laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. If it will take you to sleep on the street, sleep on the street, instead of going back. Wenn es dich kosten wird, sogar auf der Straße zu leben, in Zelten zu wohnen, dann lass es darauf ankommen. Donc si la voie de l'Éternel ou bien la route de l'Éternel va te mener à vivre comme un clochard dans la comme un clochard, là on préfère que tu puisses vivre comme un clochard au lieu de repartir encore en arrière. Are you getting something? Ne sois pas comme les Égyptiens. Amen. Praise the Lord. Les enfants d'Israël ici, pardon. If you don't have a home, come to us here. Wenn du kein Zuhause hast, dann kannst du auch zu uns kommen. Si tu n'as même pas une maison, donc viens même chez nous. That you have here, you have a home. Dass du die Gemeinde hast, bedeutet, dass du ein Zuhause hast. Le fait que tu as une église, ça signifie que tu as aussi une maison. Forget about the flesh. Deswegen müssen wir das Fleisch vergessen und zurücklassen. Tu dois oublier la chair. The flesh is about, what about my job? What about school? What about that? Just allow it to be Christ. I don't know if somebody is getting it. Was ist mit der Schule? Was ist mit der Arbeit? Was ist mit dem Studium? Was ist mit all diesen Dingen? Aber Christus geht es uns nur um Christus. Parce que dans la chair, il s'agit que toujours de oui, qu'est-ce qui comment je vais avoir de l'argent? Comment je vais faire avec mon travail? Comment je vais faire avec mes études? Ceci, cela, mais non, quand tu vois Jésus-Christ, là il s'agit que du Christ lui-même, tu as qu'une solution et c'est Jésus-Christ lui-même, et tu n'as pas des problèmes comme dans la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when I went to Nigeria to repair our house, the house we have in Benin, you know, the roof, there was no roof. They removed all the roof and brother-in-law and my mother-in-law said, because I went alone, Papa was here. Then they said I should come and sleep with them in their house because of the renovation. I said, no, I'm going nowhere, I'm sleeping here. Instead, they left their house and slept with me in a completed building for days. They were all there with me. Instead of all going there, I just chose to be there. I said, no, I'm not going. I'm not living here. Through the night, everywhere opened, but we were there sleeping. I know that the Lord is my protection. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. Allow it to be Christ alone, please. Mm. Even then, I did not even know the truth half of what I know today. Mm. But I know that He is a living God. Mm. Amen. And He's always there for His children. Amen. Mm. Als ich damals vor vielen Jahren nach Nigeria geflogen bin, alleine, um unser damaliges Haus dort zu renovieren, war ich dort alleine und irgendwann ging es darum, das Dach zu reparieren und das komplette Dach musste komplett erneuert werden, also wurde es komplett abgerissen und das Haus war sozusagen dann freistehend, wie so ein Puppenhaus, das man von oben greifen kann sozusagen. Und meine Schwiegermutter und mein Schwager hatten mich gefragt, ob ich dann bei ihnen übernachten soll, wegen dem dachlosen Haus sozusagen, aber ich habe gesagt, nein, ich bleibe hier, ich habe kein Problem damit. Ich werde hier wohnen. Und dann haben sie sogar gesagt, okay, dann werden wir mit dir in dem dachlosen Haus wohnen. Und wir haben dann da die Nächte verbracht, ne? Obwohl es halt, wie gesagt, es hätte alles in das Haus fallen können, ne? Reinregnen können, aber wir haben das einfach so durchgezogen, weil ich auch einfach darauf vertraut habe, dass der Herr unser Schutz ist. Je me rappelle aussi des années passées, quand moi j'étais partie au Nigeria, même sans mon mari, j'étais partie au Nigeria pour réparer notre maison et il n'y avait même pas du toit, le toit, il n'y avait pas le toit. Et vu que notre maison n'était pas encore complète, et ma belle-mère et mon beau-frère m'ont dit que ben, viens dormir chez nous. Et moi j'ai dit non, je veux rester ici. Et au lieu que je puisse partir là-bas chez eux dans une maison qui est confortable, je sois choisi de dormir dans notre maison qui n'était même pas finie, qui était comme un échantier. Mais eux, au lieu de partir de dormir chez eux, ils m'ont même suivi. Ils ont dormi avec moi des jours et des jours dans ce chantier, dans une maison qui n'avait même pas le toit. Et je n'avais même pas la vérité comme aujourd'hui, mais je savais une chose. Je savais que l'Éternel est mon Père. Il prend soin de moi. Il est mon berger. Et je ne manquerai de rien quand je suis avec lui. Et c'est pour ça. Et j'avais cette foi-là. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in Nigeria, there are a lot of things happening. Yeah, there's no the house where that, you know, it's almost naked. And there might be rain. Once it's raining, it's so heavy. Mm. But I never even go there. Because I know that there will be no rain. Mm. If even there's rain, it's a rain of blessing. Mm. Und Nigeria können viele Sachen passieren, ob es ein Blitzeinschlag ist, ob es Monsunregen ist, wirklich Regen, der wirklich wie ein Schauer ist. All das kann passieren. Aber mir war es egal, ich bin einfach auf den Herrn vertraut. Et vous savez, à Nigeria, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Dans une situation comme ça, où tu n'as même pas le toit, il peut même pleuvoir. Donc il y a une pluie et quand il pleut là-bas, la pluie est vraiment très, très forte et elle peut aussi détruire les maisons ou bien même te détruire toi-même ou bien mettre tout dans l'eau, sous l'eau. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que je considérais le Christ. Je me disais que ça ne va même pas pleuvoir. Et même s'il pleut, ça sera une pluie de bénédiction. Et c'est pour cela que je faisais confiance à mon Père. Praise the Lord. Please let all of us see this message speaking to us. Bitte erkennt, dass in dieser Botschaft, dass der Herr zu uns allen spricht. Et je vous en prie vraiment de voir ce message, de le considérer comme comme Jésus-Christ qui est en train de parler à toi. Let it be personal. Lass so, dass es eine persönliche Sache ist. Ce message doit vraiment être personnel pour toi. Merci.